le sable d'Attaque Québec. On parle du point de vue d'Attaque Québec sur la conjoncture économique actuelle avec Cédric Leterme et de l'héritage des Indiens d'Amérique à l'Occident avec Renoublet. Alors bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui est avec vous pour la prochaine heure et je vous souhaite la bienvenue au Grain de Sable, votre magazine socio-économique, en cette édition féerique du 17 décembre. Je vous annonce que c'est déjà pour nous la dernière émission de l'année 2011. Alors au programme aujourd'hui, c'est Cédric Leterme qui viendra nous faire un bilan de la conjoncture économique 2009-2011, inspiré d'un texte qu'il a lui-même rédigé et présenté lors de la dernière Assemblée générale d'Attaque Québec à Montréal, le mois dernier. Comme c'est le temps des fêtes, on vous a également préparé une liste de cadeaux des plus engagés. Ensuite, en deuxième partie d'émission, on reçoit Renoublet, qui aujourd'hui nous offre une version du temps des fêtes de sa chronique amérindienne. Comme cadeau, il vient nous présenter l'héritage des Indiens d'Amérique à l'Occident. Tout ceci, comme à l'habitude, après une pièce musicale. Alors, on commence aujourd'hui avec le groupe Los Aldeanos, ou avec la chanson La Cadeneta d'un groupe cubain. Alors, tout ceci sur les ondes de CKRL 89.1, la radio qui cultive tes goûts. En lo que hay suena, suena, suena, suéltalo, disfrútalo. Mira, hay cosas que se nos escapan de las manos, manos que se nos escapan hacia rostro, rostros que tienen dibujado lo inhumano, manos que por dentro no son más que monstruos. Otros que no tienen sentimientos, sentimientos que no habitan en las almas, almas que no encuentran un momento, momento de felicidad y calma, calma que no existen en los sueños, sueños que se pudren en la almohada, almohada que solo tienen un dueño, y dueños que solo son dueños de nada, nada, que se encuentran en nuestra mente, mente que ni piensan ni meditan, corazones que la ven pero no sienten. Valores que este mundo necesita, necesita que entiende que no me entiende, no tiene que acudir a la violencia de los puños no depende, falta como usar para más inteligencia, inteligencia que brilla por su ausencia, la ausencia del complejo, complejo que está preso en tu esencia, y esencia que se te va por el camino viejo, siente sin demores, sabes que te lo merece, relájate y regálate. El universo que sueña y recuerda bien que fuego con mucho que sea deseo nunca hubiese sido fuego sin oxígeno y sin leña. No sé por qué se fue la fe, quién fue el que la robó del planeta, avísenme si alguien la ve, la vida es una cadeneta, si no regresa pensaré que huyó volando como un cometa, pero no obstante a eso aquí estaré buscándola entre mis libretas. Cubano vive y deja vivir, y deja de mentir ya por gusto, que se nos viene abajo por venir, que está por venir, vamos a pasar un susto. Hay decisiones que terminan siendo errores, errores que enriquecen la experiencia, experiencia que madura la gente y gente que no aprende vuelve a tropezar con la misma piedra, piedra que en el camino, camino oscuro, oscuro es que el pasillo de destino y destino más depende a en el futuro, futuros problemas se avecinan, pues sin más pruebas y más, combate a los concretivos de tu vida no puede ser regida por el dinero genera poder, el poder genera la corrupción genera la rebeldía, la revolución. Más fuerte, fuerte, débiles, buenos, malos, andamos, andamos, lo que encontramos, lo que encontramos con que no somos perfectos, perfectos, no somos perfectos seres humanos, humanos con inteligencia, inteligencia que medimos consecuencias, consecuencias que nos frenan, que la vida es reacción en cadena. No sé por qué se fue la fe, quién fue el que la robó del planeta. Avísenme si alguien la ve, la vida es una cadeneta. Si no regresa pensaré que huyó volando como un cometa. Pero no obstante a eso aquí estaré, buscándola entre mis libretas. Cubano vive y deja vivir, y deja de mentir ya por gusto. Que se nos viene abajo es por venir, que está por venir, vamos a pasar un susto. Mentiras de las cuales no me asombro ya. En esta vida hay muchas piñadas, poco que y payasos, buscándole a tus ojos happy face. Y te entretiene mirando el color de las cadenetas, no de tocarte la cajita que le falta la croqueta. Alors voilà, c'était donc le groupe Los Alianos, un groupe cubain avec la chanson La Cadeneta. Alors vous écoutez Le Grain de Sable jusqu'à 13h. Alors aujourd'hui, donc c'est Cédric qui commence avec plus. Aujourd'hui, tu veux aborder un texte que tu as écrit. Oui. N'est-ce pas? Exact. Alors, pour le compte de Data Québec et qui traite de la conjoncture économique actuelle. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'était la fin d'année. C'est toujours un bon moment, finalement, pour se livrer à une forme de bilan. On aime bien faire ça ici, quand l'hiver approche et quand la fin de l'année approche, pour essayer de remettre un petit peu en perspective tout ce qui s'est passé durant les derniers mois. Et il se trouve que c'est justement un exercice auquel j'ai dû me livrer récemment, comme tu l'as dit, pour le compte d'Attaque Québec, dans le cadre de notre Assemblée Générale qui s'est tenue il y a un mois à Montréal, où on m'avait demandé en fait d'écrire un texte sur la conjoncture 2009-2011, c'est-à-dire en fait la période qui s'est écoulée entre nos deux Assemblées Générales, la dernière c'était en 2009, pour essayer de resituer un petit peu l'action d'Attaque Québec dans le contexte plus large justement des évolutions qui sont intervenues tant au niveau international que national et québécois aussi. Alors on ne va pas vous lire... Oui, je voulais juste intervenir, c'est un excellent texte, chers auditeurs, je vous invite vraiment à aller le lire. Oui, c'est ça. En fait, juste préciser aussi que c'est moi qui l'ai rédigé, mais il a été révisé et complété par Claude Vaillancourt, coprésident d'ATTAC. Et en particulier, le paragraphe sur le Québec, c'est lui qui l'a rédigé en entier, puisqu'il s'y connaît nettement mieux que moi. Donc, il faut lui attribuer ça aussi, il a fait un excellent travail. On ne va pas vous lire tout le texte, évidemment, ce qui fait quand même 4 pages. Donc, comme Valérie dit, pour ceux qui s'intéressent, il se retrouve sur le site d'ATTAC Québec dans notre rapport d'activité. Puis vous pouvez aussi en même temps trouver dans ce même rapport une description détaillée de tout ce qu'on a fait durant ces deux dernières années, les résolutions qu'on a adoptées aussi pour l'avenir, comment est-ce qu'on va structurer notre action en fonction de 3 différents thèmes. Donc pour ceux que ça intéresse, ça peut être une bonne façon de voir ce qu'on fait concrètement à ATTAC et puis pourquoi pas d'avoir envie de vous impliquer. Mais donc pour revenir au texte en lui-même, disons que le but c'était vraiment de donner un portrait de la situation globale et de son évolution durant les deux dernières années, puis de resituer l'action d'ATTAC là-dedans. Donc on va profiter en fait aujourd'hui de cette dernière émission du Grain de Sable pour en ressortir un peu les éléments principaux. Alors eh bien allons-y, des sujets inévitables de ces deux dernières années, je suppose que c'est évidemment la crise économique qui n'en finit plus de parler d'elle et n'en finit plus de finir. Oui, c'est ça. Évidemment, c'est sûr que c'était dur de passer à côté. C'est sûr que c'est un peu le surdéterminant, finalement, de tout ce qui se passe depuis 2 ans. C'était assez intéressant, c'était intéressant de voir, en réécrivant le texte, j'ai été relire le texte qui avait été écrit justement en 2009 sur la conjoncture à cette époque-là. Et c'est amusant de voir qu'au moment de notre dernière Assemblée Générale, donc en 2009, on était un peu dans cette période d'optimisme, entre guillemets, en tout cas de la part des autorités, puisqu'on venait d'éviter le pire en 2008, avec la crise des subprimes, l'écroulement, l'effondrement de Lehman Brothers, qui avait failli entraîner avec lui toute la finance mondiale. On avait évité ça de justesse. Et on n'était pas encore rentré dans la deuxième phase de la crise dans laquelle on est maintenant et qui est en fait le prolongement de la première, mais cette fois dans le domaine des finances publiques. Alors il y a eu un espèce d'intervalle comme ça de quelques mois où on nous disait, en fait la crise est finie, officiellement on n'est plus en récession, tout va bien, on peut repartir pour un tour. Et à ce moment-là, toutes les belles promesses qui avaient été faites en 2008, sous la pression populaire, hein, où on nous promettait de moraliser le capitalisme, de réguler la finance, de mettre fin aux paradis fiscaux, etc., etc. Toutes ces belles promesses-là, en fait, elles ont été rapidement oubliées. Et on se souviendra du G20 de Toronto. On s'en souvient pour d'autres raisons aussi, nettement plus malheureuses. Mais au niveau du contenu, on se rend compte qu'à ce G20-là, on ne parle déjà plus de paradis fiscaux, on ne parle plus de régulation de la finance. Ce qui ressort à la fin du sommet, ce qui ressort dans la déclaration finale, c'est un accord unanime pour s'attaquer au déficit public, qui est le traditionnel cheval de bataille du néolibéralisme, alors que c'est précisément grâce à ces déficits-là, grâce aux interventions massives des États, qu'on a réussi à éviter le pire en 2008. Alors, depuis lors, depuis ce G20-là et depuis 2009, cette espèce d'intervalle euphorique qu'on a eu à ce moment-là, on s'est bien rendu compte qu'évidemment, la crise n'est absolument pas finie. Tous les déséquilibres qui avaient mené à cette crise-là n'ont absolument pas été réglés. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que d'une crise donc, de la finance privée, une crise bancaire, ben, ça s'est transformé en crise de la dette publique, puisque les États ont repris à leur compte l'ensemble des pertes des banques, qui ont dû injecter des sommes considérables pour remettre le système à flot. Et ce qui est d'autant plus paradoxal maintenant, c'est que cette crise des finances publiques, elle remenace à son tour le système bancaire, puisque les banques, avec l'argent qu'on leur a donné pour se sauver, ben, qu'est-ce qu'elles ont fait avec cet argent-là ? Elles l'ont prêté massivement aux États, puisqu'à l'époque, c'était une des façons les plus sûres de faire un prêt. Et donc maintenant, elles se retrouvent elles-mêmes de nouveau menacées par la crise qui affecte les États. Donc on voit vraiment qu'il y a un jeu de vase communicant entre les deux, et que tant qu'on ne sortira pas de ce système-là, on va se heurter au même problème. Donc, Pour résumer un petit peu, ce qu'on voit, c'est vraiment une dynamique paradoxale où finalement la crise du néolibéralisme a véritablement servi de prétexte à son approfondissement, ce qui est quand même ironique. Mais en bout de ligne, cet approfondissement-là, il ne fait qu'aggraver la crise, puisque la crise est due aux déséquilibres qui sont innés au fonctionnement de ce système-là. Donc, comme je le dis dans le texte, en fait, on en est à un point où on n'est plus tellement... La question, c'est plus tellement de savoir si on veut un changement. La question, c'est vraiment quel changement est-ce qu'on veut, parce que là, il va s'imposer à nous de manière inévitable. Alors, parlant d'inévitable, tu évoques aussi la situation environnementale, mm-hmm. et de ce côté-là aussi, le temps presse. Oui, le temps presse, effectivement, et même nettement plus que, on va dire, qu'au niveau socio-économique. C'est parce qu'ici, ce qui est en jeu au niveau environnemental, c'est plus seulement la stabilité d'un système ou des questions de justice sociale ou d'opposition gauche-droite, c'est vraiment... notre propre capacité en tant qu'espèce à continuer à assurer notre survie sur cette planète. Donc là, on parle de l'humain, on ne parle plus de groupe ou d'idéologie. Malheureusement, sur ce plan-là, les résultats qui ont été obtenus ces deux dernières années, mais ils sont loin d'être glorieux à l'image de ce qui s'est fait aussi au niveau économique. Il suffit de penser très récemment à la décision suicidaire qui a été prise par le gouvernement Harper de se retirer du protocole de Kyoto, et qui démontre bien qu'on est très loin d'avoir encore pris la mesure de ce qu'il fallait faire sur ce plan-là. Quoi. Alors justement, le gouvernement Harper, tu en parles aussi dans ton texte, mm-hmm. puisque cette victoire des conservateurs a était aussi un des événements marquants de l'année dernière. Oui, tout à fait. Mais en fait, que ce soit cette victoire-là des conservateurs ou même la situation actuelle au Québec dont parle Claude Vaillancourt dans le texte, ce qui est vraiment frappant là-dedans et ce qui ressort, c'est véritablement la crise de la démocratie qui se cache derrière ces événements-là, derrière ce climat-là. On voit que la politique est vraiment devenue un spectacle. On nous donne une parodie de débat qu'on nous présente pendant que les vraies décisions se prennent derrière des portes closes et sans qu'il y ait aucune considération pour l'intérêt général. On le voit très bien avec l'accord de libre-échange Canada-Europe qui est négocié dans le plus grand secret sans qu'on ait accès à ce qui est mis sur la table. Alors bien sûr, il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, qui se doutent bien que les discours qu'on leur tient et que les débats qu'on leur propose n'ont rien à voir avec la réalité et avec les vrais enjeux. Mais malheureusement, la propagande est tellement massive, l'individualisation est tellement poussée que la plupart du temps, ce sentiment-là, il se traduit en fait simplement par un rejet pur et simple de la politique, par un rejet pur et simple de tout ce qui est politique. Et on le voit notamment avec les taux d'abstention aux élections qui font qu'augmenter. Quel dommage. Mais pourtant, il y a quand même de l'espoir, non? Tu le dis toi-même, l'année dernière, ça a été aussi extrêmement riche en mobilisation populaire, faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus être trop défaitiste, il faut être réaliste sur le constat, mais il faut aussi souligner qu'évidemment, il y a toujours de la résistance, puis il y a toujours de l'espoir. Et effectivement, la dernière année a été vraiment riche là-dedans. On a vu évidemment les peuples arabes se réveiller, alors que personne s'y attendait. On pensait vraiment que cette région-là du monde était condamnée quelque part à la dictature et on n'en voyait pas le bout. Puis tout d'un coup, sans crier gare, pouf, ça émerge. Ça a inspiré évidemment beaucoup de choses, ça a inspiré notamment le mouvement des indignés en Europe qui a suivi, qui s'est aussi révélé une espèce de réinvention des formes de protestation, de nouvelles mises en pratique de principes sociaux alternatifs. Donc ça a été extrêmement intéressant de voir ça, puis on en a beaucoup parlé ici à l'émission. C'est intéressant de voir aussi évidemment que la vague est arrivée au cœur même du système, hein, ici en Amérique du Nord, avec le mouvement Occupy Wall Street qui a prolongé quelque part la mobilisation, mais qui l'a aussi adapté aux particularités locales d'ici. Ça a proliféré en quelques semaines de manière vraiment impressionnante, puis ici aussi au Québec, et à Québec notamment, on en a beaucoup parlé aussi. Donc effectivement, il y a vraiment de quoi avoir de l'espoir. Et c'est vraiment dans ces moments-là, quand on regarde ces éruptions-là inespérées ou inattendues, qu'on se rend compte que le travail que font des organismes comme Attaque Québec, et il y en a énormément d'autres qui font un travail quotidien et qui souvent, on se demande un petit peu à quoi ça sert. Puis on voit finalement que quand on sème comme ça, on a des petites graines de révolte à gauche, à droite. Mais c'est vraiment comme ça qu'un jour, le changement finit par fleurir et qu'on voit émerger des mobilisations comme ça. Donc c'est vrai que ça donne espoir. Alors il faut garder espoir et rester dans l'action. Et peut-être, c'est ça justement un peu, le changement va arriver un jour. Donc, sur ces dernières notes, donc, on remercie Cédric de nous avoir résumé ce texte merveilleux que j'invite les chers auditeurs à aller lire. Voilà, c'est sur le site, c'est dans la section rapport d'activité, vous pourrez le trouver avec, donc, comme je disais, toutes les descriptions de ce qu'on a fait ces deux dernières années. Et voilà, donc, texte sur la conjoncture 2009-2011. Alors, on s'arrête un court instant. Donc, mais avant de poursuivre sur les idées cadeaux bien engagées, on vous propose cette chanson « Appelle-moi camarade » du ministère des Affaires populaires. À tout de suite. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, à refuser de t'opérer, c'est dans la main. De ressembler à un mouton, c'est à l'audace, de vos impacts, c'est accompli, franchement. Appelle-moi camarade, si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages. Quand t'as un flic de des visages, si t'étouffes, comme un atolard dans sa cage. Appelle-moi camarade, si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, les informent et nous divisent, lâche le cid, parce qu'il est leur qu'on s'oublie. Si tu penses qu'on est du même, côté de la barrière du même, côté du mur, du côté lanceur de perdu, côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref, les peines sont les mêmes, parce que les mêmes, je vis de l'abattoir. Ouais, je me démerde, merde, sans perte de fil étoile, qui m'attire à toi. Je m'en ai la plume pour Marcos, la rage, une cassos, prête à lâcher le mic, s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice. Enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, fils d'un monde bien malade, et tout le monde s'en bat la rage. Braqué au parleur avec Périm, dans les quelques de la rage. Un petit homme impossible en encarté, autonome comme les amarres, grand comme les frères du quartier. C'est leur tunnel, car leur chance on rattrape, d'un meilleur ou d'un pire, on est ensemble camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé nos colons, obscurcissé leur ciel et les ont amputés de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient charger le scénario du film. Leur dessin, on les connaît par cœur, j'aime pas trop faire le tableau. Ce monde est hardcore, pas de pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du rentard, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir comment asphyxier, on perd plus d'oxygène, comment enchaîner à la destinée de cité où la peur se règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi, je sens bien que c'est ce putain d'air qui nous fait changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, par nos camarades. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que pour les crades, appelle-moi camarade. Et voilà, vous venez d'entendre « Appelle-moi camarade » du ministère des Affaires populaires. Vous écoutez présentement « Le grain de sable », la dernière de l'année. Et pour cette dernière de l'année, bien évidemment, on vous a préparé des petits, un volet idées cadeaux. Et évidemment, on a un petit penchant pour ce qui est un petit peu engagé. Alors, voilà. Alors, Cédric, peut-être que tu voulais commencer sur cette... De nous dévoiler tes premiers... On va jouer au Père Noël. Oui, Père Noël. Donc c'est ça, bah, écoute, la première idée qu'on avait, c'est un truc qu'on a découvert tous les deux d'ailleurs, que je trouve que c'est vraiment une bonne idée, c'est certificat cadeau des Amis de la Terre du Québec. Tout à fait. C'est une excellente idée, ça se propose en fait dans une logique évidemment de décroissance et d'aller un petit peu à l'encontre de cette orgie de consommation qui est souvent Noël. C'est en fait d'offrir un petit certificat cadeau, vous proposez à la personne à qui vous l'offrez de l'exempter d'un cadeau. Et à la place, vous engagez à faire une activité commune. Alors, si vous lui proposez un service, vous proposez de passer un repas ensemble, vous proposez d'aller faire une sortie, peu importe. Et donc ça, vous pouvez le trouver. Vous pouvez le trouver déjà tout fait sur le site des Amis de la Terre, je suppose. Mais sinon, exactement, vous pouvez évidemment confectionner un vous-même sur la base de cette idée-là, si le design ne vous plaît pas et si l'envie vous en prend de faire un truc plus créatif. Donc ça, c'est une première idée qui est assez bonne, je trouve, et qui touche bien un petit peu aux valeurs qu'on essaye de passer ici à l'émission. Après, pour des cadeaux peut-être plus conventionnels, hein, c'est évident que des abonnements à quelques revues, ça peut toujours faire plaisir, un petit peu de lecture, puis c'est toujours le moment de soutenir de la presse engagée et indépendante. Oui, tu as quelques propositions. Donc, on a quelques titres qu'on utilise souvent, nous, ici à l'émission, comme source. Il y a évidemment la revue Relations, dont on a souvent parlé, hein, qui est une excellente revue d'actualité socio-économique critique qui est faite au Québec, qui fête d'ailleurs leurs 70 ans. Donc ils font, déjà. Oui, déjà, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis c'est ça, ils ont une espèce de série d'articles qui s'inscrit dans cet anniversaire-là, où ils décrivent un petit peu, mais puis ils reviennent aussi rétrospectivement sur tous les sujets qu'ils ont abordés durant ces nombreuses années. Donc un abonnement à ça peut être intéressant. Il y a aussi la revue À Bâbord, québécoise aussi, excellente. Hein. Bon, je crois que tout est dans le titre, À Bâbord, ça essaie aussi de proposer un contrepoids de gauche à l'actualité qui penche pas souvent dans ce sens-là. Donc ça aussi, c'est un très bon mensuel. Je sais pas s'il est mensuel ou s'il sort... Non, mais je pense qu'il sort tous les deux mois. En tout cas, je ne sais plus à quelle régularité exacte. Il y a un site internet, vous pouvez aller voir dessus. Puis Claude Vaillancourt, qui est donc président d'Attaque Québec, contribue régulièrement à À Bâbord. Un autre journal satirique plus, qui est le Couac, qui, moi, j'ai un petit fait pour ce journal-là, hein. Le canard qui a des dents, je pense donc je nuis, c'est vraiment une excellente lecture, c'est plus satirique, il y a aussi des articles de fond, mais c'est aussi quelque chose d'intéressant à avoir, ça peut être un bon cadeau à faire. Et puis évidemment, en dernier lieu, on a l'incontournable Monde Diplomatique qui est là la Bible des altermondialistes, on va dire, hein, qui est d'une qualité extraordinaire avec des articles d'universitaires, de journalistes, des points de vue, des discussions qui couvrent un petit peu tous les sujets. Donc c'est vraiment un excellent mensuel. Et puis en s'abonnant, ben, vous leur permettez aussi de maintenir, hein, tous ces magazines-là, de maintenir une certaine indépendance, de ne pas trop devoir dépendre de la pub. Donc le simple fait de prendre un abonnement, c'est aussi poser un geste pour soutenir une presse libre et indépendante. Donc c'est aussi intéressant de penser à ça comme cadeau, pourquoi pas. Mm-hmm, tout à fait, vraiment des très très beaux cadeaux, là, des beaux abonnements. Et aussi, mis à part les magazines, il y a également les livres. Oui, évidemment, on peut parler livres aussi. Bon, j'ai pas eu le temps vraiment d'en chercher beaucoup. On va faire un petit clin d'œil à Éco-Société, évidemment, qu'on apprécie beaucoup, puis on a beaucoup parlé des problèmes qu'ils ont eu avec le livre d'Alain Deneau, notamment. Ils ont dû faire l'objet de poursuites Bayon absolument scandaleuses. Donc, pourquoi pas, on peut reproposer le livre d'Alain Deneau, dont on a parlé la semaine dernière, hein, « Faire l'économie de la haine », qui est son dernier ouvrage, un recueil de textes pour une pensée critique, où il revient dans différents textes sur différents sujets et les aborde d'un point de vue un petit peu plus philosophique. Donc, c'est paru aux éditions Éco-Société, puis en même temps, vous pourrez aussi regarder éventuellement son livre précédent qui était Offshore, qui traitait des paradis fiscaux en particulier. Également chez Éco-Société, un bouquin qui s'appelle Décroissance versus développement durable. C'est aussi intéressant comme réflexion sur l'opposition de ces deux contextes-là. On avait aussi déjà parlé. Il y en a beaucoup qui opposent le concept de décroissance, qui est vraiment de dire qu'il faut sortir de l'imaginaire de la croissance, il faut sortir de l'imaginaire de l'accumulation. Et ça s'oppose au développement durable, puisque le développement durable, pour beaucoup de décroissants, c'est un oxymore, c'est-à-dire que c'est une formule contradictoire. On ne peut pas continuer de se développer et le faire de manière durable, étant donné que la Terre, tout simplement, a des ressources finies. Donc un développement indéfini dans un monde fini, c'est impossible. Et donc c'est intéressant à l'heure où justement le thème du développement durable devient vraiment omniprésent, ça devient même un argument marketing pour beaucoup de boîtes, d'opposer ce concept-là à un concept qui est plus radical, celui de la décroissance. Et donc l'ouvrage revient un petit peu sur cette opposition-là, ça peut être intéressant aussi à voir. Oui, ben pour ma part, moi j'avais comme suggestion l'envers de l'assiette, si vous connaissez déjà, donc de Laure Varidel. Et donc ça a paru vraiment en partir de 2003. Et ça, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment un livre engagé, accessible, dans le fond, un guide alimentaire nouveau genre. En tant que nutritionniste, et moi, ben ça m'interpelle beaucoup. Et puis, comme manger, ben c'est un besoin essentiel. Alors, Laure Varidel nous propose un peu un éveil de la conscience sociale par les choix alimentaires. Et ben c'est ça. Donc, quatre concepts très simples, les trois NG, donc nu, non loin, naturel et juste. Donc, c'est le chemin, dans le fond, de l'alimentation. Donc, voir un peu, avec un petit peu moins de pesticides, un petit peu plus bio. Et pour, donc, c'est ça, un petit peu remédier aux inéquités engendrées par le système d'échange et partage inégal des ressources. Alors, je vous invite à le lire, à aller voir, à le consulter. Et également, on parlait, c'est ça, de démocratie. On a également démocratie dans quel état avec, donc, il y a plusieurs auteurs. Je ne nommais pas toutes, mais vous pouvez vraiment le retrouver, ce livre-là, dans les éditions Éco-Société. Et ça pourrait être vraiment intéressant. Donc, pour de ce que j'ai relevé un petit peu là, pour le temps des fêtes. Également, j'aime beaucoup le manifeste Indignez-vous de Stéphane Hessel, donc, que vous pouvez également retrouver sur Internet, je crois, ouais, là, de façon gratuite. Ouais, hein. Oui, il est diffusé librement sur Internet, mais c'est ça, sinon il coûte, je crois, 6 $, donc c'est rien du tout et ça vaut vraiment la peine. Hein. C'est de l'argent très bien investi. Et oui, et un autre, peut-être en terminant comme dernier cadeau, ou ce qui peut être vraiment intéressant, donc c'est d'aller à la revue de l'année des Sapartistes. Oui, alors qu'on connaît, donc ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils existent et qu'ils se promènent un peu partout au Québec. Ils vont commencer, je crois, à la Joliette à partir du 16 décembre. Et c'est ça, donc ils vont se retrouver également à Métropolis à Montréal du 27 au 30 décembre. À Québec, ils vont arriver le 12 janvier. Alors, très, très, très intéressant. Et cette année, donc, comme l'année a quand même été, on a retrouvé les inondations dans la vallée de Richelieu. En tout cas, vous pouvez voir un petit topo sur leur site. Là, c'est très, très, très intéressant. Puis, ça risque d'être très, très comique aussi. Là, donc, la marée orange au Québec, Harper majoritaire, extinction du Bloc québécois. Là, il va y avoir matière à, donc, c'est ça, là, aller... pas en rire, là, mais en tout cas, donc à commenter humoristiquement l'actualité. Donc, juste vous rappeler, les apartistes sont formés de François Parenteau, François Patenaude, Christian Vanasse et donc également de Nadine Vincent. Donc, c'est à connaître. Oui, ils sont vraiment bons. On a eu la chance d'aller voir ensemble l'année dernière. C'était vraiment un excellent moment. Oui, tout à fait. Alors, sur ce, alors on va maintenant prendre une petite pause. Et au retour, c'est Renaud Blais qui arrive avec sa chronique amérindienne plus sur le temps des fêtes. À tout de suite. Le 31 décembre. Les Disques Nomades et le Grand Théâtre de Québec vous invitent à faire partie de la famille. Une soirée festive au son des artistes de la scène émergente. Isabeau et les chercheurs d'or, Thierry Coyote, Ouangu et plusieurs invités. Le service de garde est offert sur place. Le 31 décembre, 20h, à la salle Octave Crimazy du Grand Théâtre de Québec. Billets sur Billettech, collaboration Studio Éléments et CKRL. Jusqu'au 21 décembre, ne manquez pas les 12 jours de Noël de Tania dans Change de Disque. Courez la chance de gagner un cadeau par jour pendant 12 jours. Membre de CKRL, soyez attentifs entre 15h30 et 17h30 en semaine. Un concours qui fera pa-pa-pam. À l'approche du temps des fêtes, le chocolat de qualité supérieure de Pure Passion Chocolatée fait l'envie de tous. Pure Passion Chocolatée, c'est une chocolaterie artisanale avec un personnel attentif à vos demandes et deux chocolatiers d'expérience qui sauront répondre à vos besoins. Tous nos chocolats et fudges sont fabriqués sur place. Venez voir notre village de Noël en chocolat qui sera en boutique à compter du 15 décembre, avec ses maisons, son église, sa crèche et une multitude de personnages. Pure Passion Chocolatée, 1203e Avenue, 88-614-1299. Votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru. Du lundi au vendredi de 13h30 à 15h30 au 89.1. Cultive tes goûts. toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Alors, Renaud Blais, nous a rejoint en studio pour sa chronique sur la question amérindienne. Bonjour, Renaud. Bonjour tout le monde. À ton dernier passage à l'émission, tu nous as partagé une entrevue avec nul autre que le vice-chef de l'Assemblée des Premières Nations pour le Québec et le Labrador, M. Ghislain Picard. Aujourd'hui, tu nous proposes une chronique inspirée de l'esprit du temps des fêtes. Mm-hmm. Mais d'abord, avant de commencer, j'aimerais rappeler nos auditeurs ton parcours. Donc, militant altermondialiste depuis plus de 10 ans, nouvellement reconnu comme Indien Uro-Wendat à part entière. Donc, c'est ça, donc ta part d'identité, tu la reconnais de plus en plus ces dernières années. Et donc, tu dis souvent, une partie de mes ancêtres ont accueilli les missionnaires et les commerçants venus d'Europe au temps de la Nouvelle-France, desquels est issue l'autre partie de mes ancêtres. C'est bien ça? Oui, alors, ces premiers ancêtres d'origine asiatique, on le rappelle, sont là depuis entre 8 et 10 000 ans en Amérique. Alors, c'est bien ça? Ah ouais, ouais, dans j'ai bien résumé. Oui, tout à fait. Alors, moi, je crois toujours qu'il est très altermondialiste de restituer la place prépondérante des Indiens en Amérique au cours de l'histoire ancienne et récente de l'Amérique du Nord. Depuis des années, je fais des recherches personnelles sur le sujet comme historien amateur averti. Alors, dans l'esprit de Noël, j'ai préparé aujourd'hui une liste de cadeaux offerts à l'Occident par les Indiens des Amériques. Je me limite à 3 éléments, soit une partie de la Constitution des États-Unis inspirée de la Confédération iroquoise, ensuite, de nombreux médicaments naturels et synthétiques à partir de la pharmacopée traditionnelle des Premières Nations des Amériques, qui sont encore aujourd'hui très présents dans nos pharmacies, et quelques produits alimentaires inconnus ailleurs sur la planète avant la soi-disant découverte des Amériques. Et pour remettre à César, comme on dit, ben, je me suis beaucoup inspiré d'un livre qui est d'un anthropologue états-unien, Jack Weatherford, qui était professeur d'anthropologie au McAllister College à Saint-Paul au Minnesota. Son titre, c'est « Ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde » dans la collection « Terre indienne » chez Albin Michel. L'original anglais est paru en 88, puis la version française en 93 à Paris. Alors, c'est ça un petit peu, ça va être très intéressant. Et par rapport justement aux États-Unis, donc, quel élément de la Constitution des États-Unis est inspiré des Iroquois? Faut que je sois très bref. Alors, chers auditeurs très intéressés, soyez attentifs. Alors, en juillet 1744, le chef iroquois Canassatego, devant une assemblée d'Indiens et d'Anglais en Pennsylvanie, se plaint des difficultés éprouvées par les Indiens pour commercer avec toutes les administrations coloniales. On se souvient qu'à l'époque, il y avait 13 États très différents, avec des constitutions différentes et tout ça. Alors, il se plaignait, lui, d'avoir affaire à des lois différentes quand il transigeait avec différents États. Il dit, « La vie serait plus facile pour tous si les colonisateurs pouvaient fonder une union qui leur permettrait de parler tous d'une seule voix. » Fait qu'on voit que, bon, le désir d'union était longtemps, faisait partie de la population. Alors, il ne fit pas que suggérer l'union des colonies. Il leur dit comment le faire en s'inspirant de la Confédération iroquoise qui, elle, avait été fondée entre l'an 1000 et 1450 sous le nom de la Grande Loi de la Paix. Puis un intermédiaire majeur dans cette histoire, c'est Benjamin Franklin. Lui fut le premier à considérer leur système comme un modèle potentiel. Il fit connaissance avec le fonctionnement politique de l'organisation indienne en tant qu'imprimeur officiel de la colonie de Pennsylvanie. Il publiait alors les rapports et les discours des assemblées indiennes et des négociations de traités. Son grand intérêt pour les cultures indiennes fit qu'il deviendra le premier commissaire aux Indiens pour la Pennsylvanie, ceci durant les années 1750. Franklin resta toute sa vie le défenseur de leur structure politique et plaida pour leur utilisation auprès des futurs États-Unis. Alors, très brièvement, chacune des nations iroquoises, à l'époque, élisait un conseil composé de délégués, qui eux s'appelaient les sachems, et s'appellent toujours les sachems, parmi ceux qui étaient préalablement élus par chacune des tribus composant la nation. Parce que, bon, la Confédération iroquoise, c'est 5 nations, mais chaque nation est composée de différentes tribus qui, eux, élisent leur sachem. Alors, ceux-ci se réunissaient régulièrement pour décider des affaires publiques relatives à leur propre territoire, à l'intérieur de leur nation. Puis, en complément des conseils propres à chaque nation, les sachem formaient ce qu'ils appelaient le Grand Conseil de la Ligue iroquoise, où les affaires publiques communes étaient débattues. Fait que pour ceux qui connaissent la Constitution américaine, vous voyez déjà le lien. Alors, faites le rapprochement entre les élections des délégués pour chaque État aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les primaires, qui, une fois tous élus, voteront pour l'élection des candidats des partis à l'élection présidentielle. Fait que vous voyez un peu l'analogie qui a été faite avec la Constitution américaine. Vraiment très intéressant de faire le lien. On pouvait pas, pour ma part, moi, je pensais pas que c'était vraiment inspiré des Iroquois. C'est un des cadeaux que les Indiens d'Amérique ont fait aux Occidentaux. Alors, mon deuxième thème, c'était les produits pharmaceutiques. Oui, alors qu'en est-il des produits pharmaceutiques? Dès les tout premiers contacts retenus par l'histoire officielle entre l'Ancien et le Nouveau Monde, les médecins européens reconnurent que les Indiens détenaient la clé de la pharmacopée la plus sophistiquée. À cette époque, dans la majeure partie du monde, la médecine n'avait pas dépassé beaucoup la sorcellerie et l'alchimie. Pensons à la guérison du scorbut, par exemple, que tout le monde connaît, qui a permis aux Européens de s'installer à demeure en Amérique. Si n'eût été des Indiens à cette époque-là, ils seraient tous morts, les Européens. Là. Et nous, on ne serait pas ici. Non, c'est ça. Pensons à l'utilisation des algues aussi, pour leur apport en iode, qui est très répandu aujourd'hui pour guérir le goitre, par exemple. Les Indiens du nord de la Californie et de l'Oregon donnèrent à la science médicale le laxatif, ou purgatif le plus communément utilisé. Tout le monde connaît le fameux Ex-Lax, qui a une formule enrobée de chocolat, qui est un purgatif très puissant, mais l'idée de l'enrobée de chocolat et de sucre, ça remonte aux Indiens d'Amérique. Aussi, il existait d'autres laxatifs ou purgatifs, là, mais la version indienne enrobée de sucre et chocolat, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Mais c'est ce qu'on retrouve encore actuellement, Tout à fait, oui. Ensuite, l'utilisation du curare pour enduire les fléchettes mortelles a donné lieu aujourd'hui à de nombreux dérivés relaxants et anesthésiants. La découverte de la substance active extraite de certaines écorces, la salicine, a donné lieu à un des produits très utilisés aujourd'hui, soit l'aspirine. Et comment? Bon, on sait qu'aujourd'hui, on le synthétise en laboratoire, mais ça a été inspiré d'une décoction amérindienne bien connue en Amérique. Les guérisseurs indiens inventèrent de nombreux médicaments pour traiter les problèmes féminins. Ils utilisent une plante parasite qui pousse sur les racines de chêne pour faciliter les règles. C'est un antispasmodique. Ils utilisent la racine amère de la trillie pour apaiser les douleurs de l'accouchement. Les Indiens ont été les premiers à utiliser un des onguents les plus utilisés au monde, soit la vaseline. Ils la fabriquent à partir d'oléfine et de méthane. Ils ont donc été les premiers à découvrir l'un des premiers usages pratiques du pétrole. Je pourrais continuer longtemps. Nos actuels médicaments occidentaux incluraient au moins 500 produits issus de la pharmacopée des Indiens et des Amériques. Quand même étonnant. Ah, wow. C'est l'histoire officielle a peu retenu de ces éléments-là. Non, ça, c'est pas souvent vraiment publicisé, hein, comme on pourrait dire. Alors, avant de poursuivre cet entretien donc sur l'héritage des Indiens d'Amérique à l'Occident, alors nous allons écouter Clandestino de Manu Chao et on se retrouve tout de suite après cette chanson. venez d'entendre Manu Chao avec la chanson Clandestino. Donc, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, vous écoutez présentement Le Grain de Sable. Et je suis en compagnie de Renaud Blais, qui aujourd'hui nous a préparé une liste de cadeaux que nous a légué les Indiens d'Amérique à l'Occident en ce beau temps des fêtes. Et justement, donc tout ça, ça a été tiré du livre « Ce que nous devons aux Indiens d'Amérique et comment ils ont transformé le monde ». Donc, ça peut être également un beau cadeau de Noël. Et ça a été écrit par M. Jack Witherford, donc un professeur d'anthropologie au Minnesota, donc au McAllister College à Saint-Paul, Minnesota. Et donc, tu nous as parlé juste avant cette chanson, donc un peu comment les Iroquois avaient contribué à l'élaboration de la Constitution des États-Unis. Donc, ils s'en ont inspiré un peu et de leur propre organisation sociale, politique, si on veut. Et également, tu nous as fait une belle liste de certains produits pharmaceutiques qu'on tenu comme l'aspirine, certains laxatifs également, qui sont vraiment inspirés des Iroquois. Et la même chose aussi, bon, pour ceux qui avaient des problèmes. Donc, on sait des fois avec les règles qu'il y a des problèmes féminins, des spasmes, ça fait mal. Donc il y avait vraiment une racine du chêne qui pourrait faciliter les règles. Vraiment, très, très, très, un ouvrage très, très, très intéressant. Et tu voulais poursuivre par rapport à l'alimentation. Oui, l'alimentation, par exemple, quelle serait notre alimentation sans chocolat? Qui pourrait vivre sans chocolat? Je me demande bien. Pour ma part. Comme toute l'alimentation d'origine végétale offerte par les Indiens des Amériques aux Occidentaux, des milliers d'années de sélection rigoureuse et attentive des meilleurs plants a produit une meilleure qualité de fèves et en plus grande quantité. De plus, la technologie développée par les Indiens est toujours utilisée pour extraire les fèves des grosses cabosses du cacaoyer et ensuite, surtout, la cuisson à une température très précise pour transformer la fèvre en poudre de chocolat. En tout cas, l'auteur qui publie en 1988 affirme dans son livre que chez Hershey, on utilise toujours cette technique-là pour faire cuire la fèvre pour la transformer en poudre de chocolat. Donc, la technique étant laquelle déjà? Bien, je n'ai pas le détail, mais c'est la technique qui permet de prendre la fèvre puis de le transformer en poudre de chocolat. Oui, tous les grands chocolatiers, j'ai l'impression. Hein? Je suis pas. Ouais. Les Indiens donnèrent aux colonisateurs l'essence de wintergreen pour les confiseries et les médicaments. Ça, je peux pas vous dire à quoi ça sert, mais bon, quelqu'un qui est en confiserie, là, il doit comprendre qu'est-ce que c'est l'essence de wintergreen. Ensuite, quelle serait notre alimentation occidentale sans les nombreuses variétés de pommes de terre, de maïs, de courges? Puis les tomates, là, quelle serait la diète méditerranéenne sans les tomates? Ça n'existe pas en Europe. Puis il faut toujours se rappeler que pendant les 1000 ans qui séparent, qui précèdent la venue des Européens, les Indiens ont expérimenté les différentes variétés, puis les cultivés en altitude et non dans des milieux humides, les milieux secs. Puis c'est toute cette expérience-là accumulée dont ont profité les Occidentaux avec leur venue en Amérique. Alors, que pensez-vous de ces cadeaux qui sont très loin des éphémères présents échangés lors des fêtes de changement d'année, qui sont beaucoup plus une fête pour les commerçants que pour quiconque? Dans l'esprit d'attaque, je pense que je devrais avoir une petite conclusion du genre. Oui, dans l'esprit d'attaque, tout à fait. Mais tu as raison, Renaud, dans le fond, puis aussi, je fais un petit peu un lien avec ce qui se passe, avec la conjoncture actuelle, un peu ce que Cédric nous a parlé en début d'émission. Alors, la Terre, à un moment donné, il y a quand même des limites. Et donc, c'est ça, on est dans un monde qui a une certaine finitude. Et des fois, les ressources ne sont pas illimitées comme on peut le penser. Et surtout, nous, on est comme un pays nordique aussi. Et on est dépendant de c'est ça, là, de ces cultures-là. Et, donc, c'est pas acquis. Les économistes sont tous d'accord qu'il faut, pour eux, pour que ça fonctionne, le système, il faut qu'il y ait croissance. Mais mon ami, là, ça ne peut plus marcher. Là. J'avais des échanges avec un de mes amis qui est docteur en économie. Je dis, quand est-ce que tu vas nous proposer une théorie de la décroissance? Il dit, ça se peut pas. Ben oui, j'ai dit, ça se peut pas dans ton cadre de référence. Sors du cadre un peu. Puis, ben, les ressources sont finies au niveau de la planète, puis on fait la promotion d'une croissance perpétuelle. Ça ne peut pas marcher à un moment donné. Non, alors sur ces belles réflexions, en tout cas, c'est sûr que ça fait ça fait réfléchir. En tout cas, j'espère que ça vous fait réfléchir, chers auditeurs, à ces temps de Noël. Donc, il y a moyen quand même de pratiquer la décroissance, même si on est entouré de sources très commerciales, je vous dirais. Alors, je voudrais te remercier, Renaud, pour cette magnifique chronique, toujours très intéressante et captivante, et qui nous met un petit peu, tu nous montres un petit peu, un peu plus à chaque fois comment les Indiens d'Amérique ont contribué à notre société. Merci beaucoup. Kwe. Pardon? Qu'on dit Kwe en amérindien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Kwe. Une expression pour saluer l'universel aux différents groupes des Amériques. On se salue comme ça. OK. Bien, merci. Kwe. Alors, Kwe, c'est déjà tout pour aujourd'hui. En terminant, j'aimerais bien que j'invite Cédric à reprendre le micro. Oui, je suis là. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, je vous avoue aujourd'hui que c'était une émission bien spéciale, car c'est déjà l'heure pour Cédric de nous quitter. Oui. Snip, snip. Alors, il va repartir en Belgique. Écoute, ça a tellement passé très, très vite. Et puis, c'est ça, j'aimerais te remercier pour ta généreuse contribution à cette émission et la réalisation de cette émission. J'ai beaucoup apprécié. Alors, sache que tu nous manqueras beaucoup à l'équipe du Grain de Sable et, j'imagine, aussi, assurément, aux gens d'attaque de Québec. Donc, on parle le plus ici du comité d'administration. Alors, je te souhaite un bon succès en Belgique dans tes projets et dans la poursuite de tes engagements. Bien, merci beaucoup, Valérie. Et puis, je vais en profiter aussi pour remercier, évidemment, toute l'équipe. Ça a été un véritable plaisir de pouvoir travailler avec vous. Merci à Renaud, merci à Michel, merci à Nicole, merci Valérie, évidemment, pour tous ces petits instants de complicité passés. Puis un merci tout spécial à Robert Jasmin aussi, qui m'a amené ici, qui m'a donné l'occasion de participer à l'émission, puis qui m'a fait confiance après pour la réaliser. Et j'ai énormément appris avec lui, puis je tiens vraiment à le remercier pour ça. Et merci à CKRL, évidemment, hein, de donner un espace... de discussion comme ça, puis un espace de pensée alternative et d'émissions un peu alternatives. Donc c'est vraiment bien de pouvoir bénéficier comme ça d'endroits où on peut développer un petit peu les thèmes qu'on a développés ici. Donc voilà, merci à tous. Puis je suis convaincu que vous allez continuer ça très très bien sans moi, puis je vous ai quitté de Belgique. Et mais écoute, peut-être que je vais solliciter ta participation via Outre-mer, n'est-ce pas? Ce serait intéressant. Hein? Oui, on va pouvoir s'en reparler. Alors, un grand merci, Cédric. Alors, je vous rappelle que les enregistrements d'émissions sont disponibles via le site d'Attaque Québec, donc www.quebec.attaque.org. Et je vous rappelle, vous pouvez nous écrire. Hein, on a toujours une adresse, donc legraindesable@hotmail.com. Et dans le temps des fêtes, écoutez, il y a quand même des actions possibles. Je vous invite à surveiller tout ce qui se passe concernant l'accord économique et libre-échange, le commerce global, ça arrive, hein, c'est ça, c'est la dernière. Accord économique et commerce global entre le Canada et l'Union européenne. Vous savez qu'il y a une pétition que vous pouvez aller signer avant le 12 janvier, donc sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, je vous y invite donc à poser ce petit geste qui va vous prendre seulement quelques secondes. Et vous avez également vous pouvez, par rapport à cet accord-là, pour proposer l'adoption de résolutions dans les conseils municipaux. Donc, il y a toujours moyen de se préparer là-dessus. Et évidemment, je vous invite également à consulter les vidéos sur la conférence de presse Louise Beaudoin, Pierre Curzi, Amir Kadir et Lisette Lapointe qui questionnent le Pierre-Marc Johnson, qui est le négociateur en chef pour cet accord-là. Et voilà, je vous invite à surveiller ça. Également, donc, je vais vous laisser maintenant en compagnie d'Olivia Vu et de son émission Conte de fées qui est toujours sur les ondes de CKRL. Et pour moi, je vous donne rendez-vous samedi le 7 janvier. Et entre-temps, toute l'équipe du Grain de Sable vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2012 remplie d'indignation, de mobilisation et de lutte victorieuse. Alors, je vous dis à l'année prochaine.